إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de Kitab al-Tawhid, qui est le livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Et cette explication est du Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on s'est arrêté dans le chapitre que fait partie de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de patienter dans les décrets d'Allah. Et on s'était arrêté au hadith de Anas radiyallahu anhu. قال المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. Donc l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah cite dans ce chapitre que fait partie de la croyance en Allah le fait de patienter dans les décrets d'Allah, le hadith de Anas radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la grande récompense va de pair avec la grande épreuve. Et lorsqu'Allah, Azza wa Jal, aime un groupe de personnes, il les éprouve. Quiconque donc est satisfait, c'est-à-dire du décret d'Allah, aura la satisfaction d'Allah en retour. Et quiconque s'indigne, verra la colère d'Allah, Azza wa Jal, s'abattre sur lui. قال الشيخ الفوزان حفظه الله عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر العين وفتح الظاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، فمن رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، ومن سخط بكسر الخاء والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به فَلَهُ السَّخَطْ أَيْ مِنَ اللَّهِ عُقُوبَةً لَهُ. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes du hadith. Que la grande récompense va de pair avec la grande épreuve. C'est-à-dire plus l'épreuve est grande et plus la récompense est grande. فَمَنْ رَضِيَ, celui qui est satisfait. C'est-à-dire celui qui est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné comme épreuve. فَلَهُ الرِّضَى, alors il aura la satisfaction, c'est-à-dire d'Allah azza wa jal, comme rétribution équitable et équivalente. وَمَنْ سَخِطَى, et celui qui s'indigne. السَخَط en arabe, Cheikh Al-Fawzan dit que c'est le fait de détester une chose et de ne pas en être satisfait. As-sakhat, c'est détester une chose et ne pas en être satisfait. Ainsi, celui qui déteste ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné et qui n'en est pas satisfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe dans la fin de ce hadith, فَلَهُ السَّخَطْ, alors la colère d'Allah s'abattra sur lui, ceci en guise de rétribution et de châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان الذي يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب، وأن من علامة محبة الله لعبده أن يبتليه، فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه، وإن تسخط قضاء الله وجزع لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que la grande récompense va de pair avec la grande épreuve que le serviteur subit dans cette vie d'ici-bas lorsqu'il fait preuve de patience et lorsqu'il espère la récompense d'Allah azza wa jal à travers son épreuve. Puis il dit, hafidhahullah, que fait partie des signes qui prouve l'amour d'Allah envers l'un de ses serviteurs. Parmi les signes de l'amour d'Allah envers un de ses serviteurs est le fait qu'il l'éprouve. Si ce serviteur est satisfait du décret d'Allah, espère la récompense et a le bon soupçon envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors Allah azza wa jal sera satisfait de lui et le récompensera. Par contre, si ce serviteur s'indigne face au décret d'Allah, ne l'accepte pas et déteste cette chose, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera courroucé et énervé et en colère contre lui et il le châtiera. Munasabatul hadith lilbab anna fihi bayan alamati mahabbatillahi li'abdihi وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكاره. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? On a dit qu'on était dans le chapitre. On est dans quel chapitre? Fait partie de la croyance d'Allah le fait de patienter dans les décrets d'Allah. Donc quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre? Cheikh Al-Fawzan dit, car il y a dans ce hadith une preuve que parmi les signes de l'amour d'Allah envers son serviteur, il y a dans cela, dans ce hadith, le signe qui permet de connaître et de savoir qu'Allah aime son serviteur, et il y a également dans ce hadith la sagesse qui réside dans les choses détestables que le musulman peut traverser dans sa vie. Et la sagesse de cela est que s'il patiente, eh bien Allah Azza wa Jal sera satisfait de lui. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan bayanu alamati mahabbatillahi li'abdihi wa hiya al-ibtila. Thaniyan wasfullahi bil mahabbati war-ridha was-sakhat ala ma yaliqu bi jalalih. ثالثا إثبات الحكمة لله في أفعاله رابعا أن الجزاء من جنس العمل خامسا الحث على الصبر على المصائب سادسا أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. Qu'est-ce que l'on retient de ce hadith? Premièrement, l'on retient de ce hadith le signe qui nous permet de connaître l'amour d'Allah envers l'un de ses serviteurs, et ce signe est l'épreuve. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'Allah Azza wa Jal est caractérisé par l'amour, par la satisfaction et par la colère. Comme cela est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de l'amour, qu'Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs, qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de ses serviteurs et qu'Allah Azza wa Jal se met en colère également. Ceux-ci font partie des attributs d'Allah Azza wa Jal qui en aucun cas ne doivent être interprétés ou en aucun cas ne doivent ressembler aux caractéristiques et aux attributs de ces créatures subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le retient de ce hadith la sagesse d'Allah Azza wa Jal est présente dans ses actes. Que quand Allah Azza wa Jal fait une chose, il y a derrière cela une sagesse. La connaît celui qui la connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Quatrièmement, on retient de ce hadith que la récompense est proportionnelle à l'acte. Que la récompense est proportionnelle à l'acte. Plus l'épreuve est grande et plus la récompense est grande. Pour cela que le professeur Hassan a dit Inna ashadda an-nas ibtila'an al-anbiya. Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, car ce sont les êtres humains les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, on retient de ce hadith l'encouragement à patienter face aux épreuves. Car lorsque tu sais qu'il y a derrière la patience dont tu auras fait preuve, la satisfaction d'Allah, eh bien, comme on dit, cela en vaut la chandelle. Cela en vaut la chandelle. Et c'est ce qui doit motiver le musulman à patienter dans ses épreuves, car il sait que derrière il y aura la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Sixièmement, l'on retient de ce hadith qu'une personne peut détester une chose qui en réalité est meilleure pour lui. Lorsqu'il est subi et frappé par cette épreuve, il ne l'approuve pas, mais en faisant preuve de patience, et lorsqu'il bénéficiera de la récompense d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il se rendra compte qu'en réalité, cette épreuve était un bien pour lui. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Puis l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab رحمه الله cite le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il hâte son châtiment dans ce bas monde. Si par contre, il lui veut du mal, c'est-à-dire si Allah veut du mal à son serviteur, il lui retarde son péché pour l'en châtier le jour de la résurrection. Il en retarde son péché, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'il ne soit pas puni par son péché dans cette vie d'ici-bas, pour pouvoir être puni dans l'au-delà. Et le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans ses sunan, et également par l'imam Ahmad dans son musnad, et par l'imam Al-Hakim dans son mustadrak. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذا الحديث والذي قبله رواهما الترمذي بسند واحد وصحابي واحد ولذلك جعلهما المؤلف كالحديث الواحد عجل الله له العقوبة في الدنيا أي ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه عقوبة ذنبه يوافي به بكسر الفاء مبني للفاعل منصوب بحتى أي يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب. الشيخ الفوزان dit حفظه الله que ce hadith et celui qui le précède ont été rapportés par l'imam At-Tirmidhi رحمه الله à travers une seule chaîne de transmission et avec le même compagnon, qui est Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et c'est pour cela que l'auteur les a cités dans son livre comme étant un seul hadith. Puis il explique les termes du hadith. « Ajjalallahu lahu l'uqubata fi dunya » Allah hâte son châtiment dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal fait en sorte que son serviteur soit éprouvé par des malheurs et par des catastrophes, de par le péché qu'il a commis, afin d'en sortir, c'est-à-dire de sortir de cette vie d'ici-bas, sans qu'il n'ait de péché à son actif. أمسك عنه بذنبه et dans la parole du prophète, il lui retarde son péché, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal retarde la rétribution de son péché, le châtiment de son péché. حَتَّى يُوَافِي بِهِ pour l'en châtier, c'est-à-dire qu'il viendra le jour du jugement en ayant des péchés à son actif. Et ainsi, il subira le châtiment qu'il mérite à cause de ses péchés qu'il a commis. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة, لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل. ومن علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب وافيها فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que parmi les signes qui prouvent qu'Allah azza wa jal veut le bien pour son serviteur, il y a le fait qu'il précipite son châtiment, le châtiment de son péché dans cette vie d'ici-bas, de telle sorte qu'il sorte de cette vie d'ici-bas sans avoir de jugement, sans avoir de péché afwan, sur lequel il devra rendre des comptes le jour du jugement. Car celui qui est jugé par son acte de façon précipitée ou de façon hâtive, autrement dit, celui qui paye son péché dans cette vie d'ici-bas, eh bien, son jugement sera plus léger et plus souple dans l'au-delà. Et parmi les signes qui montrent que Allah Azza wa Jal veut le mal pour son serviteur et qu'il ne le rétribue pas du péché qu'il a commis. Le péché qu'il a commis, Allah Azza wa Jal ne le rétribue pas dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à ce que cette personne vienne le jour du jugement et qu'elle ait des péchés à son actif auxquels elle devra rendre compte. Et ainsi, elle sera rétribuée selon ce qu'elle mérite le jour du jugement. مناسبة الحديث للباب أن فيه الحث على الصبر على المصائب والرضا بالقدر لأن ذلك في صالح العبد. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'encouragement de patienter face aux épreuves et d'être satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal, car cela est pour le bien du serviteur. Ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on retient du hadith. أولا علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا. ثانيا علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. On retient ce hadith premièrement que parmi les signes qui prouvent qu'Allah veut le bien pour son serviteur, le fait qu'il précipite son châtiment, le châtiment de ce péché dans cette vie d'ici-bas. Deuxièmement, le signe qui montre qu'Allah Azza wa Jal veut le mal pour son serviteur est le fait qu'il ne le rétribue pas pour son péché jusqu'à ce qu'il en soit rétribué le jour du jugement. Et quel est le moins pire ? Est-ce que c'est être rétribué par son péché dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà ? Non. Dans cette vie d'ici-bas, car le châtiment de l'au-delà est bien plus grand et bien plus menaçant que le châtiment d'ici-bas. ثالثاً الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. Écoutez cette faïda de Cheikh Al-Fawzan. On retient de ce hadith. Écoutez bien. On retient de ce hadith la peur d'avoir tout le temps la bonne santé. La peur d'être tout le temps en bonne santé, car ceci peut être un signe d'un mal. Ceci peut être un signe d'un mal, car une personne malade est une personne éprouvée. Donc, à travers son épreuve, ses péchés sont pardonnés. Or, celui qui est tout le temps en bonne santé, ce n'est pas une règle, mais cela peut être un signe que, au lieu de payer ses péchés, entre guillemets, dans cette vie d'ici-bas, il les paiera dans l'au-delà. Et ceci est sans aucun doute un mal. Rabi'an, quatrièmement, at-tanbihu ala husni adh-dhann billahi wa raja'ihi fima yaqdihi Allah 'alayhi min al-makruh. Quatrièmement, il y a dans ce hadith une interpellation dans le fait que le musulman doit avoir le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala et de toujours espérer d'Allah azza wa jal dans ce qui lui décrète comme chose détestable. Comme chose détestable. Car on a vu que une chose que tu considères mauvaise se révèle en réalité meilleure pour toi. Et tu ne peux raisonner de cette façon qu'en ayant le bon soupçon. Qu'en ayant le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له وقد يحب الشيء وهو شر له. Cinquièmement, qu'une personne peut détester une chose alors que celle-ci est meilleure pour lui. De la même façon qu'il peut aimer une chose qui en réalité est meilleure et mauvaise pour lui et pire pour lui. Et on pourrait donner comme exemple de la deuxième partie de cette phrase, la bonne santé. Qui n'aime pas être en bonne santé? Tout le monde aime être en bonne santé. On se souhaite même entre nous la bonne santé. Cela peut, qad, cela peut s'avérer en réalité un mal pour la personne. Sadisan, al-hathu ala sabri ala al-masa'ib. Sixièmement, l'encouragement à patienter face aux épreuves. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء. Puis l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله, entame le chapitre de ce qui est rapporté dans l'ostentation. وقوله تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 110 de Sourate Al-Kahf, la caverne, dit « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Seigneur est un Seigneur unique ou que votre divinité est une divinité unique. » قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب. الرياء مصدر راء مراءة ورياء وهو أن يقصد أن يرى الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي قل للناس أنا بشر مثلكم أي في البشرية ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء إنما إلهكم إله واحد أي معبودكم بحق الذي أدعوكم إلى عبادته معبود واحد لا شريك له يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه ويطمع برؤيته يوم القيامة عملا صالحا هو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، ولا يشرك بعبادة ربه أي لا يرائي بعمله أحدا، نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد كائنا من كان. Il dit, hafizahullah, en expliquant ce verset. Il complète tout d'abord le verset dans sa totalité. Il dit, hafizahullah, et la suite du verset, donc dit, je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il ne n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Quel est le contexte de ce chapitre? Le chapitre de ce qui est rapporté dans l'ostentation. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre de Kitab al-Tawhid? Cheikh al-Fawzan dit, parce que l'ostentation altère le Tawhid. Parce que l'ostentation a un impact sur l'unicité d'Allah Azzawajal et que l'ostentation annule l'acte qu'il a taché, si on peut traduire comme cela. Eh bien, l'auteur a jugé bon d'alerter sur la gravité de l'ostentation dans son livre Kitab al-Tawhid. Car l'ostentation annule l'acte qu'il a entaché. Donc un acte dans lequel tu as fait preuve d'ostentation est un acte qui n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Ar-riya, l'ostentation. Cheikh al-Fawzan donne la définition en disant que c'est le fait de faire une action, un acte, donc il fait une adoration dans le but de montrer aux gens qu'il l'accomplit d'une façon particulière, alors que dans son cœur, il cache une autre façon de faire. Et dans le hadith que l'on verra par la suite, le professeur Hassan donne l'exemple de celui qui embellit sa prière. C'est-à-dire qu'il fait sa prière d'une façon particulière parce que les gens le voient. Mais lui, dans son fort intérieur, ce n'est pas comme cela qu'il prie. S'il était seul, il n'aurait pas prié de cette façon. Il a embelli, c'est-à-dire il a fait une chose d'une certaine manière parce que les gens l'ont vu, alors qu'il cache en réalité une autre façon de faire. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, « قُلْ » dit. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dit aux gens, « Ana basharun mithlukum, je suis un être humain comme vous. » C'est-à-dire que je n'ai rien parmi les caractéristiques de la seigneurie ni parmi les caractéristiques d'une divinité adorée. Puis, Allah Azza wa Jal dit, « Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. » Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. C'est-à-dire que celui que vous devez adorer, en vérité, cette divinité à laquelle je vous appelle d'adorer, est une et unique divinité qui, en aucun cas, ne doit être associée dans son adoration. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire celui qui redoute de retourner à lui, et celui qui espère le voir le jour du jugement. عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes actions. Et ici, Cheikh al-Fawzan dit les bonnes actions sont celles qui sont conformes à la législation d'Allah, et celles qui sont faites en recherchant la face et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. Et il n'associe dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas preuve d'ostentation dans ses adorations. وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. Il n'associe dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas preuve d'ostentation. أَحَدًا. Personne. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit que أَحَد est un mot indéfini dans un contexte de négation. Et un terme indéfini dans un contexte de négation, le sens est que cela englobe toute chose. Quand vous dites par exemple, personne n'est rentré. Personne n'est entré. Personne, c'est indéfini. D'accord ? Qu'est-ce que vous comprenez de cette parole ? Que personne, absolument personne n'est entré. Mais si je te dis la personne n'est pas entrée, ici c'est un mot défini. Donc je te dis cette personne-là, elle n'est pas rentrée. Mais cela n'empêche pas que d'autres personnes soient entrées. Pour cela que les savants disent, lorsque un mot indéfini est cité dans un contexte de négation, alors cela englobe toute chose. Ainsi, tu ne dois en aucun cas associer à Allah quoi que ce soit. Quoi que ce soit un être humain, un ange, un prophète, ou toute autre chose, tu n'as ou tu ne peux qu'adorer Allah Azzawajal seul sans ne rien lui associer. Al-ma'na al-ijmali. يأمر الله تعالى نبيه أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية ليس له من الربوبية والألوهية شيء وإنما مهمته إبلاغ ما يوحيه الله إليه وأهم ما أوحي إليه أن المعبود حقا معبود واحد هو الله لا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة فالذي يرجو النجاة في هذا اليوم من عذاب الله يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله. Il dira, حفظه الله, le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens qu'il n'est qu'un être humain comme eux, qu'il n'a en aucune caractéristique de la seigneurie ni de l'adoration. Et que la tâche du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de transmettre ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Et parmi les choses les plus importantes qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la vraie divinité, celui qui mérite véritablement d'être adoré, est unique. Et cette divinité est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit de lui associer quoi que ce soit dans l'adoration. Et le retour vers Allah Azza wa Jal est inévitable le jour du jugement. Ainsi, celui qui espère être sauvé le jour du jugement, du châtiment d'Allah, alors qu'il se prépare à travers des actes sincères et des actes en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, le chapitre de ce qui est rapporté dans l'ostentation. Il y a dans ce verset l'obligation de vouer ses adorations à Allah Azza wa Jal seul, sans faire preuve, sans tâcher ses adorations par du polythéisme, et fait partie du polythéisme l'ostentation. Fait partie du polythéisme l'ostentation, et l'on verra même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'ostentation comme étant le polythéisme caché. Al-shirku al-khafi. Ma yustafadu min al-aya. Et en général, les choses cachées sont les choses qui sont souvent redoutables, car tu ne t'y attends pas, tu n'y prêtes pas attention. Donc cela t'atteint parfois même sans que tu ne t'en rendes compte. ما يستفاد من الآية أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة. ثانيا أن الرياء شرك. ثالثا أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة. رابعا أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد لا من الأصنام ولا من الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que parmi les bases de la religion, il y a le fait d'adorer Allah seul. Deuxièmement, on retient de ce verset que l'ostentation est du polythéisme. Troisièmement, que le polythéisme dans lequel sont tombés les polythéistes est le polythéisme dans l'adoration. Voilà, yushriku bi'ibadati rabbihi, et qui n'associe pas dans l'adoration. Et ici, les savants ont dit que ça est une preuve que le polythéisme dans lequel sont tombés les polythéistes de la Mecque, ou ceux qui étaient au temps du professeur Hassam, entre autres, ont bel et bien commis du polythéisme dans l'adoration. Rabi'an, quatrièmement, qu'il est interdit d'adorer avec Allah autre que lui, ni une statue, ni un prophète, ni un saint, ni un vertueux, ni toute autre chose. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت